Au bord du fleuve, les demeures semblent dormir. Sur la terre sans homme, l'hiver blanc joue la morte saison des premiers jours du printemps. Coule la rivière, remontent les poissons de la mer en amont. Les maisons sont vides et ont laissé s'évanouir les souvenirs. L'été passé les a emportés dans la ville. Le tableau des impressionnistes a changé le décor. La jeunesse se métamorphose et entre deux saisons fait une pause. Les fruits sur la vigne se sont reposés. À présent, dans la simplicité des choses communes, boire un verre de vin d'un seul tenant.